والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح الضرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله بشرح فضيلة الشيخ علي بن مختار الرملي حفظه الله تعالى. ما زلنا في كتاب الزكاة، واليوم إن شاء الله سنرى ونتكلم حول زكاة الذهب والفضة. Donc aujourd'hui nous allons voir la zakat sur l'or et l'argent, ce qui est nommé l'argent blanc. Voyez, al-fidda. Donc ici, sachez que la zakat sur l'argent blanc ainsi que l'or, c'est ce qui est aussi la mesure, comme nous allons voir, de la zakat sur l'argent al-awraq al-naqdiya, qui est l'argent qu'on utilise. Parce qu'à l'époque, c'est l'or et l'argent blanc qu'on utilisait pour faire les achats et les ventes. Voyez. C'est ce qu'on disait, ad-dananir wa ad-darahim, dinar et dirham. Voyez. Donc ici, nous allons voir ensemble, inshallah, comment on fait la zakat sur l'or d'abord, et ensuite l'argent blanc. Et on va voir juste une petite partie aujourd'hui, et on va s'arrêter, inshallah, après cette petite partie. Tayyib. Nam ici, babu zakat al-zahab wal-fidda. L'imam Shawkani dit, hiya idha hala ala ahadihima al-hawlu rub'ul 'ushr. C'est-à-dire que si l'année passe, si l'un d'entre eux, c'est-à-dire l'or et l'argent blanc, si l'année passe, si l'un d'entre eux, pendant que l'un est chez toi, alors tu dois donner le quart du dixième. Le quart du dixième. Voyez, tu dois donner le quart du dixième. Tu donnes le quart du dixième de quoi? D'inisab. C'est-à-dire, si ça atteint l'inisab, tu divises par 10 d'abord. Ensuite, le dixième, tu divises par 4. Voyez? Et une partie du 4. C'est ce que nous allons voir, inshallah. Et on va donner des exemples pour que vous preniez au moins des calculatrices, et puis on va calculer ensemble. Ok? Pour que vous voyez comment ça se fait. Voyez? Alors ici, Bada al-Mu'allif, le cheikh Ali Ramli dit, l'auteur du livre a commencé. Awalama bada bihi fi masalati zakati zahab. Donc il a commencé premièrement d'abord par le sujet de la zakat de l'or wal fidda et de l'argent. Bil qadri al wajib fiha, il a donné la portion qui est obligatoire dans ces deux. Faqala, il a dit huwa rub'ul 'ushr. Rub'ul 'ushr, c'est-à-dire le quart du dixième. Zakat al-fidda et zakat al-zahab. La zakat sur l'or ou al-fidda mujma'un alayha. Ici, c'est son jugement. Alors, les savants sont tous unanimes sur l'obligation. Iza balagat an-nisab. Si les deux atteignent le nisab, wa hala alayha al-hawl. Et l'année a passé sur les deux. Et on a dit ici, qu'est-ce que cela veut dire? Wa hala alayha al-hawl. Est-ce que ça veut dire, si tu as de l'or, et que la nouvelle année arrive, même si tu avais de l'or, dans le mois de Zulhijja, et que Muharram arrive, ça veut dire que tu dois faire la zakat? Qu'est-ce qu'on a dit ici? Wa hala alayha al-hawl. Naam. C'est-à-dire, si tu détiens l'or dans le mois de Zulhijja, par exemple, alors même si la nouvelle année rentre, Muharram, de l'année suivante, ta zakat n'est pas obligatoire sur toi concernant cet or-là. Ça va? Il faut d'abord attendre jusqu'au mois de Zulhijja de l'année qui vient de rentrer. Ça va? Et on commence le hisab. Tu as l'or depuis ce moment, depuis le mois de Zulhijja 1444 par exemple. Le mois de Zulhijja 1444. Et ensuite, tu attends jusqu'au mois de Zulhijja 1445. Et tu fais la zakat. Dès que le mois de Zulhijja de 1445 rentre, tu n'attends pas le jour exact où tu as détenu l'or. Dès que le mois y rentre, hala alayhi al-hawl, l'année a passé dessus. Tayyib, voilà comment le tifaq des savants montre le calcul. Ok? Wa hala alayhi al-hawl. Et nous avons dit que si par exemple tu détiens quelque chose dans le mois de Zulhijja de 1444 et la zakat devient obligatoire sur toi dans le mois de Zulhijja 1445. Mais si tu décides de précipiter la zakat en donnant par exemple dans le mois de Ramadan, c'est permis ou pas? C'est permis. On a dit ici que il y a 12 hada. Ça va? C'est permis. Et surtout si tu sais que ça va beaucoup bénéficier aux pauvres. Et le mois de Ramadan, c'est un mois, vraiment, les pauvres, ils sont dans le besoin. Et aussi, le fait de donner en ce moment aussi, ça a beaucoup de mérite. Tayyib, Rasulullah, la fille, wassalam. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, qu'est-ce qu'on a dit? Fahiya wajibatun. La zakat est une obligation sur l'argent et l'or. L'argent blanc et l'or. Qala subhanahu wa ta'ala. Allah dit, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ يَكْنِزُونَ يَعْنِ يُؤَخِّرُونَ qui retardent. C'est-à-dire qui, on dit thésaurisé, qui garde. Ça va? الزَّهَب, l'or, وَالْفِضَّ et l'argent, وَلَا يُنْفِقُونَهَا et ils ne dépensent pas فِي سَبِيلِ اللَّهِ sur le chemin d'Allah. Allah dit quoi? فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Annonce-les la nouvelle du châtiment. طيب يَوْمَ يُحْمَى يُحْمَى يعني يُقَدُ le jour on va allumer alayha sur ce qu'ils ont thésaurisé. Fi nari jahannam, dans le feu de la géhenne, on va allumer. Fatukwa biha, c'est-à-dire, comme ça vient dans le hadith, on va rendre cela en des sahahif, comme des feuilles. C'est-à-dire, on rend cela plat, comme des fer à repasser. Tamaman. Fatukwa biha jiba hohum. Jiba hohum, jiba c'est le pluriel de jabaha. Jabahatun. Jabahatun c'est le front. On va d'abord repasser leur front avec cela. Wa junubuhum. Junub c'est le pluriel de janbun, de leur côté. Ça va? Wa zuhuruhum. Zuhur c'est le pluriel de zahrun, de leur dos. Hada, et on va leur dire voici ma kanastum, ce que vous avez gardé et que vous n'avez pas dépensé, les enfous que vous avez gardé pour vous-même. Allah va dire fazuku zuku bimana goûté ma kuntum taknizun, goûtez ce que vous étiez en train de garder. Toi, l'être humain quand il garde quelque chose, c'est pourquoi? C'est pour devenir riche. La richesse, garder, garder, garder. Après, c'est pour faire quoi avec? C'est pour qu'on dise demain qu'il est ceci ou cela ou. Mais, Kiyama, ça ne le profite plus. Ils ont gardé. D'autres gardent, ils gardent, ils gardent jusqu'à ils meurent pour laisser. Ça ne les profite pas. N'est-ce pas? Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve. Alors, وَجَا كَذَلِكَ فِي حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ. C'est venu ainsi dans le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit مَا مِنْ صَحِبِ ذَهَبٍ. Il n'y a pas de propriétaire d'or وَلَا فِضَّةٍ et d'argent blanc لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا qui ne donne pas son droit. C'est-à-dire son droit ici c'est quoi? La zakat. Illa idha kana yawm al-qiyama. Si le jour de la résurrection arrive, suffihat lahu safa'ih. On prend ce qu'il a gardé, on rend cela de façon plat, comme des feuilles, minar, en feu. Fa'uhmi alayha. Et on va allumer maintenant cela sur lui, fi nari jahannam. Dans le feu de l'enfer. Fayukwa biha, on va repasser avec, on va le repasser avec cela, janbuhu, son côté, wajabinuhu, ça va, et son front, wazahruhu, ainsi que son dos. Kullama baradat, et chaque fois que on le repasse et que abismah. C'est-à-dire, on finit de le repasser et puis la douleur commence à descendre un peu. Ouïdat lahum. On revient quand on le repasse. Fi yaoumin, dans un jour, dont le calcul est quoi? Mirdaru khamsina alfasana. C'est-à-dire, un jour dont le calcul est considéré comme khamsina. Alpha, 50 000 années. Imagine que tu sois repassé 50 000 années de cette manière. Ta'ouzbillah. Qu'Allah nous préserve. Summa, hatta, maintenant, lorsque yukdo bayna al-ibad, Kiyama va arriver, ils vont juger entre les serviteurs, fayara sabilahu. Il verra maintenant son chemin. Imma ila al-janna, soit au paradis, wa imma ila an-nar, soit en enfer. Est-ce que celui qui refuse de donner la zakat est mécréant? Hein? Hadha hadithun wadih. Très clair. Qui montre qu'il n'est pas mécréant. Parce que s'il était mécréant, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, il ne dira pas ici, fayara sabilahu, il va voir son chemin. Voici le terme écrit, khalas, il y a une seule voie. Et c'est quelle voie? L'enfer, le feu, n'est-ce pas? Mais si il dit, fayara sabi ilahu, il verra son chemin, imma ila al-janna, soit au paradis, wa imma ila al-nar, ou bien soit en enfer. هذا حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Donc, lorsqu'on voit ces menaces pour celui qui refuse de donner la zakat, juste par amour pour l'argent, ou bien par avarice, ainsi de suite. Parce qu'il y a des gens, Allahul Musta'an, on n'est pas obligé de les rendre mécréants pour qu'ils viennent donner la zakat. Ça, déjà, ça suffit. Ce hadith, même, ça suffit. Ça suffit pour faire peur. Le verset même, يَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمْ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ يُقَالُ لَهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ. Et dans le hadith maintenant, فَتُقْوَى بِهَا جَبِينُهُمْ وَظَهُورُهُمْ وَوَا سُمَّ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 50,000 ans. أعوذ بالله. Ça fait combien d'années sur la terre? Hein? D'autres mais n'ont pas encore fait 30 ans. D'autres peut-être 40. Celui qui a vécu, on dit ah lui là c'est un vieux, c'est qu'il a 60. Nous, on est des miskines même. On n'a pas beaucoup. Ou bien, des masakines. On n'a pas beaucoup, mais on fait ijtihad comme ça dans la dunya. Alors que le jour, en un jour seulement, en un jour de châtiment, là, il parle d'un jour. Miqdar ou khamsina al-fasana. Imagine si ça fait plusieurs jours. Tu as combien? Allahu musta'an. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Toyib, ici, le verset puis le hadith nous montre quoi? L'obligation de la zakat. Wa qimatu ma yukhraju minha, la valeur maintenant de ce qu'on donne comme zakat, de l'or et puis de l'argent blanc, c'est rubul ushr, qui est le quart du dixième. Wa zalika liqawli sallallahu alayhi wa sallam, et cela à cause de la parole du prophète Sam, Laysa alayka shay, tu n'as rien à donner dans la zakat, fi zahabi, hatta yakuna laka 20 dinaran, jusqu'à ce que tu aies 20 dinars. Fa idha kana laka 20 dinaran, si tu as 20 dinars, wa hala alayha al-hawl, et l'année passe si 20 dinars, fa fiha nisfu dinar. Tu donnes en zakat la moitié du dinar. Famazada, ce qui s'augmente, fa behisa bizarre. Tu comptes selon cela. Ça va? Fa bayyana biha hadal hadith. Ce hadith montre clairement nisab al-zahab. Le nisab de al-zahab. Wa annahu yajibu an yahoula alayhi al-hawl. Et qu'il est obligatoire que l'année passe dessus. وبين القيمة إلى دوني la portion الواجبة فيها qui est obligatoire dans la zakat. Donc le nisab de l'or c'est quoi? C'est 20 dinar. Allons d'abord sur cela. 20 dinar. Avant de savoir quel est le nisab exact, parce que lorsqu'on dit 20 dinar de cette manière, on est perdu. Le dinar à l'époque du professeur Al-Sallam. Le dinar, quelle est la valeur de ce dinar? Si on a trouvé la valeur d'un dinar, on va multiplier maintenant par 20. Par 20. Pour trouver quoi? Le nisab. Pour trouver le nisab. Parce qu'il a dit, c'est Ishruna dinar. Pour l'or. On parle de l'or d'abord. C'est Ishruna dinar. Wuzina dinar, le dinar a été pesé minaz zahab, de l'or. Fa wujida, on a trouvé anna waznahu, que son poids c'est arba'atu ghiramat wa ruba. C'est 4 grammes et quart. C'est-à-dire on dit 4,25 grammes. 4,25 grammes. Maintenant, on a le poids d'un dinar. Ça va? Donc, à notre époque, si on a de l'or, pour connaître combien de grammes vaut un dinar à l'époque du professeur Assalam, alors on a 4, combien? 25. Maintenant, hada dinar al-wahid, ce dinar, alladhi yazinu, qui pèse 4,25, on le multiplie par combien? Par 20. Si on le multiplie par 20 dinars, donc alladhi huwa nisab, on trouve combien? 85 grammes. Donc, voici le nisab de l'or. Ok? Le nisab de l'or, c'est combien? 85 grammes. Toyib. Donc, ce qui veut dire que si tu as 85 grammes d'or ou plus, si tu as 85 grammes d'or ou plus, et que cela a passé une année auprès de toi, tu dois le donner en zakat. Maintenant, on va voir c'est combien tu dois donner. Ici, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, fafiha rubu'u al-usr. Il y a le combien? Un quart du dixième. Donc, prenez 85. Faites diviser par 10. Vous avez 8,5. Maintenant, divisez 8,5 par 4. Vous avez combien? 2,5. Normalement, c'est 2,5. Donc, voilà ce que tu dois donner comme zakat. Ça va? Et on va voir que cela marche avec la zakat sur l'argent. Tayyib. Hein? Cela marche de cette manière. Par exemple, la zakat sur l'argent aussi, on va voir que le calcul est pareil. Par exemple, prenez quelqu'un qui a 1 million. On dit par exemple le gramme de l'or, c'est combien? Le gramme de l'or. 1 gramme. Non, donnez par exemple quelque chose comme ça. Hein? 6 000. Ok. 25 000. Le gramme d'or. Ok, le gramme d'or, c'est 25 000. Multipliez 25 000 fois 85. Vous avez combien? Est-ce que c'est 25 000? Non. Hein? D'abord, si tu veux calculer, par exemple, pour quelqu'un qui a 1 million, on considère que les 1 million ont atteint le nisab. Comment il calcule la zakat qu'il doit donner sur les 1 million? Il prend le chemin. Il divise 10. Ça donne combien? 100 000 francs. Ensuite, maintenant, il divise 100 000 par 4. 25 000. Donc, ça donne ce qu'il doit donner comme zakat sur 1 million. Ok? Si on arrive sur cela, Inch'Allah, on va donner plus de détails. Mais d'abord, ici, pour l'or, comment on calcule pour l'or? D'abord, l'or, le nisab, le professeur Sam a dit 20 dinars. 20 dinars. On a dit un dinar, c'est combien? 4,25 grammes. Ok. 4,25 grammes. On multiplie ça par 20. Donc, ça nous donne combien de grammes? 85 grammes. Donc, ce sont ces 85 grammes-là qui sont le nisab. Donc, Faiza Balaga Azahab 85. Si l'or atteint 85 غراما atteint 85 grammes فقد بلغ النصاب. Ça atteint le nisab. وإذا حال عليه الحول. C'est-à-dire si l'année maintenant passe dessus, si l'année passe dessus, طيب وجبت فيه الزكاة. La zakat devient obligatoire sur ce tort. والقيمة الواجبة في هذه العشرين. Donc la portion ou bien la valeur obligatoire dans ces 20 dinars minaz dahabi de l'or ala ma fil hadith, c'est ce qui est dans le hadith, il y a nisfu dinar, calculez le nisfu dinar, la moitié du dinar. On a dit le dinar ça fait 4,25. Ok, calculez, faites 4,25 divisé par 2. Ça donne à peu près 2,100 et quelques. C'est ça? 125. Donc ça fait 2,5. Ça va? Oui. 2,12. Non. Donc ça c'est à peu près. En réalité c'est 2,5. C'est la moitié. Parce que généralement, ils vont par moitié-moitié. Ok? Donc voilà la qima. Wa hadhihi, et cela tout ça oui rubul ushr al ishrin. Ça vaut le quoi? Le 4/10 de al ishrin dinar, de 20 dinars. OK? Donc fal wajib rubul ushr. Ce qui est obligatoire c'est quoi? C'est le quart du dixième. Min qimati zahabi, de la valeur de l'or, alladhi tamlikuhu, qu'il détient, wa hala alayhi al-hawl, et l'année a passé dessus. Donc c'est compris pour l'or. Al-mafhoum, pour l'or c'est pas compliqué. Ça va, 85 grammes. Ces 85 grammes, par exemple, si quelqu'un a 100 grammes. Ça va? 100 grammes d'or. Comment il calcule ce qu'il doit donner? Il peut me calculer cela. Non? On le divise par 10. 10 grammes. On le divise par 4. 2,5. Donc, il doit donner 2,5 grammes en zakat. Ça va? Ou la valeur de 2,5 grammes en zakat. Ça va? Non. نعم سيكمبري قال المؤلف رحمه الله ونصاب الذهب النصاب سي كوا لو كوتا دو l'or, on a dit c'est ishruna dinaran, ishruna dinar, n'est-ce pas? Mais le nisab dil fidda, de l'argent, c'est mi'ata dirhamin, c'est 200 dirhams, c'est le nisab de l'argent blanc. Pour l'or, c'est combien de grammes? C'est combien de dinars? 20 dinars. À l'époque du prophète Sassam, le dinar et puis le dirham n'ont pas la même valeur. Le dinar a plus de valeur que le dirham. Ok? Donc ici, on te dit que le nisab de l'argent blanc, c'est quoi? C'est 200 dirhams. Wa nisab zahab, C'est 200 dirhams. Ça va? Mais le nisab du zahab, de l'or, c'est combien? 20 dinars. À cause du hadith qui a précédé. Wa man nisab il fidda. Quant au nisab, c'est-à-dire le quota de l'argent blanc, c'est combien de? C'est combien? 200 dirhams. C'est ça? Toi, prenez vos calculatrices. Ici, wuzina dirham. Le dirham a été pesé, un dirham. Fa wujida annahu yazinu. Et on a trouvé que ça pèse 2,975 grammes. 2,975 grammes. Maintenant, si on prend ces 2,975 grammes, on multiplie par 200. Ça va donner comme nisab de dirham. Ça va donner comme nisab de al-fidda 595. Donc voici le nisab de l'argent blanc. Le nisab de l'argent blanc, c'est 595 grammes. C'est ça? Voyez. Non. C'est dinar. On dirait tu. C'est dinar. Dinar là, ça c'est l'or. Hein? À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'or était comme le dinar et l'argent blanc était le dirham. Ok? Non. Oui. Oui. C'est pas comme nous, ici, on met 2000, 3000, 4000. Eux, à leur époque, un gramme d'or, ça va, avait sa valeur. Et un gramme d'argent avait sa valeur. Ok? Un gramme d'or, lui, était 4, et quelques. Mais un dinar était 4,25, comme on a dit. Mais un dirham était 2, quelque chose. C'est lequel qui a plus de valeur? C'est le dinar qui est l'or, n'est-ce pas? Non. Donc ici, on a le quota de dirham, de al-fidda, qui est combien? 595 grammes. La preuve qui montre que l'or et l'argent blanc doit être donné en zakat et c'est une obligation, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lakum an sadaqatil khayli. Je vous ai pardonné la zakat sur les chevaux warraqiq et les esclaves. Fahatu, amenez maintenant sadaqatul riq. Le riqqa, c'est al-fidda. Venez maintenant avec la zakat du riqqa. Il a dit min kulli arba'ina dirhaman dirham. De chaque 40 dirham, vous donnez un dirham. Ça va? Mais c'est pas 40. 40 n'est pas le nisab. C'est un calcul qu'il a donné. Ça va? Mais jusqu'à 190, il n'y a pas de zakat. Mais si ça atteint 200, il y a 5 dirhams. Ici, regardez. Si il dit, il y a 40 dirhams. Comptez 40 fois 5. Ça fait combien? 200. Ça fait 200. Et il dit, le nisab, c'est 200. Mais si vous voulez calculer le nisab, prenez déjà 40-40. Chaque 40, vous avez un dirham. Chaque 40, vous avez un dirham. Maintenant, on n'enlève pas zakat 40. Il faut que ça atteigne 200. Si ça atteint 200, ça fait 5 d'Arahim. Vous avez compris? Naam. Wa qawluhu, sa parole, qad afautu lakum an sadaqat al-khayl wal-raqiq. Ici, yadullu ala anna al-khayla, cela montre que le cheval wal-raqiq, ainsi que l'esclave, la zakata fihima. Il n'y a pas de zakat sur ces deux-là. Illa idha tukhidat. Sauf si on prend al-khayl wal-raqiq al-tijara pour les vendre. Si quelqu'un a des chevaux, a beaucoup de chevaux, et puis il vend, on ne va pas dire on prend la zakat sur les chevaux, mais on prend la zakat sur arudu al-tijara, sur l'exposition commerciale. Ok? S'il a des esclaves aussi, c'est pareil. Qu'il vend. Il a des esclaves qu'il vend. Hein? Les gens, ils viennent acheter. Il a encore des esclaves. Il vend. Donc, à la fin de l'année, il donne la zakat. Toyib. Nam. Warriko, hi al fitda. Arriko, c'est l'argent blanc. Fahad al hadith, bayyana lana nisab al fitda. Ce hadith nous a clarifié quoi? Le quota. De quoi? De l'argent, c'est ça? Le quota de l'argent. Wal qadr al-wajib fiha, et ce qui est obligatoire dans l'argent. Wal qadr al-wajib fil fidda, ce qui est obligatoire dans l'argent, c'est combien? Wa nafsul qadr al-wajib, c'est la même portion qui est obligatoire fi zahab, dans l'or. Wa huwa rub'ul 'ushr. C'est le dixième, c'est-à-dire le quart du dixième. Lianna, parce qu'on va compter. Oshrul mi'ataini. C'est-à-dire le dixième des 200, c'est combien? C'est 20. Ou bien? Tayyib. Warubul ishrina. Maintenant, si on fait maintenant le robot du vin, il va rester combien? Il va rester 5. Alors qu'on a dit que c'est Khamzatu Darahim. Donc c'est le même nisab. Même si ce n'est pas la même valeur. Mais c'est le même nisab. Parce que pour l'or, on a dit quoi? 85 grammes divisé par 10. On trouve 8,5. C'est pas ça? Et on divise par 4. Et on trouve 2,12 quelque chose. Mais on sait 2,5. Ça va? Donc voici. Maintenant, pour l'argent, 200 dirham. C'est ça, non? Et on divise par, hein? On divise par 10. C'est 10? Voilà, on divise par 10. On divise par 10, on trouve combien? On trouve 20. C'est ça, non? Maintenant, les 20, on divise par 4, on trouve 5, ça va? Alors que le professeur Hassan l'a dit que Fafiha Khamsatu Darahim. Donc si on compte les Khamsatu Darahim, ça fait Rubul Oshur, comme dans l'or. Ça va? Wafi Sahih Bukhari, ça vient aussi dans l'authentique de Bukhari. Laysa fi ma duna khamsu awaqin min al-waraqi sadaqatun. Il n'y a pas ce qui est en dessous de khamsu awaqin min al-waraqi. Al-waq, c'est, on va voir ici le awaq, mais al-waraq ici c'est al-fidda, c'est l'argent blanc. Donc il n'y a pas ce qui est en dessous de 5 awaq. Le awaq, c'est ce qui mesure 40 dirhaman, 40 dirham. Donc il n'y a pas ce qui est en dessous de, yani, 40 dirhams multiplié par 5, ça fait combien? 200. Il n'y a pas ce qui est en dessous de 200 dirhams zakat. Et on a dit ça. Le nisab, c'est combien? Hein? 200. Donc voilà pourquoi il a dit ici, laysa fi ma duna khamsi awaqin min al-warik. Ça va? On a dit le awak, c'est combien? Tout ça, oui. 40 dirhaman. Donc, khamsu awaqin, ça fait combien de dirhams? 200 dirhams. Donc, ce qui est en dessous de 200 dirhams, il n'y a pas de Sadaqa. Voici le sens de sa parole. Ok? Naam. Wal khamsu awaq. Et 5 awaq, c'est quoi? Mi'ata dirham. C'est 200 dirham. Donc, toi, ici, nisab de fidda. C'est combien? 200 dirhams. Wa tusawi, et ça vaut 595 grammes. C'est pas ça? Fahaza aslu nisab al-fidda. Voilà la base du nisab de al-fidda. C'est compris? 595 grammes. قال المؤلف l'auteur du livre dit ولا شيء فيما دون ذلك. Il n'y a rien en dessous de cela. Ça dit فيما دون ماذا مئات درهم. Il n'y a rien à donner. أي لا شيء فيما هو أقل من 20 دينارا. 20 دينارا, ça c'est le nisab de l'or. Donc من الذهب, il n'y a rien à donner comme zakat, ce qui est en dessous de 20 dinars d'or, qui équivaut à 85 grammes. Wala shay fi ma huwa aqal, et il n'y a rien aussi à donner dans ce qui est moins que mi'atay dirhamin min al-fidda, 200 dirhams de l'argent. Walladhi yusawi, qui équivaut ici à 595 grammes. Ça va? 595 grammes. Soyez. Excusez-moi, on va finir cette partie. Et ensuite, on va s'arrêter sur la partie de Nisab al-Awraqi al-Naqdiya. Mais on va aller un peu rapidement. Ok? Ensuite, il dit Wala zakata fi ghayrihima min al-jawahir. Il n'y a pas de zakat dans autre que cela parmi les Jawahir. Le jawhar, c'est comme les parures, les bijoux et autres. Ça va? Les trucs. Comme par exemple, il va donner l'exemple. Il va dire kadur. Le dur, c'est les perles. Wal yakout. Yakout, c'est diamant. Ça va? Ou bien on dit rubis. On appelle ça rubis. C'est rouge comme ça. Ça va? Wal mas. Mas, c'est celui qui est diamant. Walulu, ça c'est les perlouses, c'est-à-dire comme des petites perles et autres là. Donc, il dit il n'y a pas de zakat. Fala zakat afiya. Il n'y a pas de zakat sur cela. Les adami wuru di dalil. Parce qu'il n'y a pas de preuve qui soit venue. Yadulu ala wujubi zakat afiya. Il n'y a pas de preuve qui est venue montrer que la zakat est obligatoire dessus. Walbara'atul asliya mustashaba. Ici, al-bara'atul asliya, les savants du fiqh utilisent cette expression pour montrer que la base des choses dont l'interdiction n'est pas venue, c'est l'autorisation. Ça va? La base des choses dont il n'y a pas d'interdiction, c'est l'autorisation. Ok? Adamana bara'atul asliya. Donc bara'atul asliya ici accompagne ce jugement, mustashaba l'accompagne, pour dire que tant qu'on n'a pas de preuves qui montrent que la zakat est obligatoire dessus, il n'y a pas de zakat. Mafou? Naam. Donc fal aslu, la base c'est adamu az-zakat, c'est de ne pas faire la zakat illa fi ma sabatat fi bihi dalil. Ce que le dalil est venu montrer que il y a zakat dessus. Mas'ala. Donc voilà pourquoi il va ouvrir une mas'ala ici. Il va dire wa ammal huli. Quant aux bijoux. Ça va? Les bijoux. Les bijoux min az-zahab wal fidda. Les bijoux, c'est quoi? C'est-à-dire les parures que les femmes portent. C'est-à-dire, tu verras, les femmes elles portent de l'or en bout d'oreille, ou bien des chaînes en or sur leurs mains, sur leurs pieds, sur autour d'elles, sur leurs reins et tout ça. Est-ce que il y a zakat sur cela? L'autre, c'est les bijoux que tu gardes. Ça va? Est-ce qu'il y a la zakat dessus comme l'or qui te garde? Alors, il n'y a pas de dalil qui montre qu'il y a zakat sur ça. Mais quant à ce qu'elle porte comme des parures, ça va? Al-Huli, est-ce qu'il y a la zakat sur ça? Alors, faqala ba'duhum, fakhtalafa ahlul ilmi. Les savants se sont divergés à ce sujet. Faqala ba'duhum fihi az-zakat. D'autres ont dit, il y a la zakat dessus, les amrein, à cause de deux choses. Notez, al-awwal, premièrement, dukhuluhu, parce que ça rentre, fi umumil adilla, dans la généralité des textes, alati tujibu zakat fi dhahabi wal fidda, qui rend la zakat obligatoire dans l'argent blanc et l'or. Ça va? Walam yakhrujuhu shay, et rien ne peut le faire sortir. Dedans. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala lamma qal, parce que Allah lorsqu'il a dit wal ladina yaknizuna dhahaba wal fidda, ceux qui gardent les zahab et les fidda, donc il dit que ça rentre dans la généralité. Voilà la première parole. La deuxième parole maintenant, saniyan hadithu Amr ibn Shu'aib. C'est le hadith d'Amr ibn Shu'aib, d'après son père, d'après son grand-père, qui dit, une femme est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'aha ibnatun laha. Elle avait une fille. Wa fi yadi bintiha, il y avait dans la main de sa fille, on peut dire ibnatiha ou bintiha. Les deux se disent en arabe. Ibnatun ou bint. Comme on peut dire ibnun. Ibnun c'est fils. Donc le féminin de ibnun c'est ibnatun. Ça va? Donc, toi, ici, il y avait dans la main de sa fille, Masakatan. Masakatan, c'est Masakatun, c'est Siwaran. C'est deux bracelets Ghaliran, qui soient solides et épais. Il y avait ça sur la main de la fille. Mindahab, en or. Faqala. Alors le professeur Hassem a dit à la femme, Atu adina zakat hada, est-ce que tu donnes la zakat de ce que ta fille a apporté? Qalat, elle dit là. Elle dit non. Le professeur Hassem dit, il dit, Ayasuruki, est-ce que tu seras heureuse? An yusawira ki lahu siwaraini minar, qu'Allah te fasse porter deux bracelets en or, deux bracelets en feu. Le jour de Yom al-Qiyama, c'est une menace ou pas? Fakhala ahuma, elle a enlevé, wa atqad huma ila nabi, elle a jeté cela devant le professeur Hassan. Akhrajahu Ahmad, le hadith est rapporté par Ahmad, wa Abu Dawud, wa ghayrihima. Rawahu salasa, an Amr ibn Shu'aib, wa lahu shawahin. Ça va? Les trois ont rapporté, c'est-à-dire Bukhari, Muslim et les Salas, Ahmad, Abu Daoud, ainsi que l'imam Tirmizi. Donc c'est venu dans ces trucs. Fada daliloun ala wujubi zakatul huli. Voici une preuve qui montre l'obligation de la zakat sur les parures. Kadalika qawlu. C'est comme ça ils disent. Voilà les deux arguments. Le premier argument, ils disent quoi? Que c'est dans la généralité des tests. Deuxième argument, c'est ce hadith qu'ils amènent. Ce qui est correct, d'offre à ce hadith. D'offre à ce hadith. Ce hadith est d'offre. C'est rapporté par Ahmad, Abu Daoud et Tirmizi. Et Tirmizi dit, écoutez la parole de Tirmizi. Wala yasihu fi hadal bab anin nabi sallallahu alayhi wa sallam shay. Rien n'est authentique dans ce sujet-là du professeur Rasulullah. Ada Kaoul, man, Tirmizi wa rawah al hadith. Il a rapporté ce hadith, mais là qu'il l'a dit, il n'y a pas de hadith authentique dans ce sujet. Donc l'épreuve est tombée, n'est-ce pas? Tayyib. Wal aya fil al maknouz. Le ayah dit, alladhina yaknizuna. Ils ont utilisé ce verset aussi comme preuve. والحلي alors que le حلي les parus مستعمل c'est utilisé وليس المكنوز c'est pas gardé. Est-ce que ça rentre dans ce verset? Les parus là, les femmes elles portent ou bien portent pas? Hein? Elles portent les bracelets, elles portent, hein? Mais est-ce que elles ont thésaurisé, elles ont gardé? Ça va? Donc, fahada, fasohi al-qawl thani. Ce qui est correct, c'est la deuxième parole. Annahu la zakata fiha. Il n'y a pas de zakat sur les parus de Adam et Dalil, parce qu'il n'y a pas de preuve. Toyib, c'est-à-dire si une femme a une chaîne, un bijou, et ornements, les ornements, c'est-à-dire un yakout, donc tout cela, non, il n'y a pas de zakat dessus, ok? ولا يصح حديث في النفي زكاة عن الحلي. Il y a pas de hadith authentique qui vient nier la zakat au sujet des parus. وروي أحاديث في النفي لكنها ضعيفة. Les hadiths sont venus aussi mais sont ضعيف. C'est-à-dire les hadiths qui sont venus montrer que on ne doit pas donner zakat sur le حلي. Tous ces hadiths sont daif. Les hadiths qui sont venus confirmer qu'on a donné zakat aussi, tout est daif. Donc, al-amru yabqa ala maza al-bara'atu al-asliya. Comme on a dit. Tayyib, nasallallahu alayhi wa sallam. Qala l'imam Ahmad, dit, fi zakat al-huli, sur la zakat des parus, an khamsati min ashabi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, venant de cinq parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yarawna fiha zakat. Il ne voit pas zakat dessus. Wada ablaghu dalil. Cinq compagnons, à savoir Anas ibn Malik, Jabir ibn Umar, Aisha wa Asma bint Abi Bakr. Nakalahu ibn Abdul Hadi dans son livre At-Tanqir. Ça va? Tayyib. Masalatun, c'est la dernière masala que nous allons aborder avant de nous arrêter. Ça va? Ça y est, on va s'arrêter ici. Hein? On va s'arrêter là parce que c'est le sujet même de Awraq Naqdiya qu'on va aborder, les billets, l'argent qu'on utilise aujourd'hui. Et on va aborder cela la semaine prochaine et voir comment donner la zakat sur cela. Ok? Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va s'arrêter ici. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.